de retour à Futur Simple sur CKRL au 89.1. Dans la prochaine chronique, nous apprendrons qu'il y a un lien entre les maladies cardiovasculaires et la météo. Et certains chercheurs utilisent les statistiques pour étudier le lien entre les deux phénomènes. Alors, pour nous en parler, je reçois Pierre Maslow, étudiant au doctorat au Centre Eau, Terre, Environnement de l'INRS. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que sont les maladies cardiovasculaires et aussi nous parler de leur incidence dans la population? Oui, alors, en fait, les maladies cardiovasculaires, ce sont toutes les maladies qui touchent le cœur et les vaisseaux sanguins. Okay. Donc ça, en fait, ça comprend l'AVC, c'est une hémorragie dans le cerveau, ou encore l'insuffisance cardiaque, qu'on appelle plus communément la crise cardiaque. D'accord. Donc, en fait, on étudie beaucoup les MCV, parce que avec le cancer, ce sont les maladies qui touchent le plus de monde dans les pays développés. Par exemple, elles sont responsables d'environ un quart des décès au Québec et d'un tiers dans tout le Canada. Donc en fait, c'est la première cause de mortalité à l'échelle du pays et c'est aussi celle qui engendre le plus de dépenses de soins. Donc dans tout ça, la bonne nouvelle, c'est que depuis une vingtaine d'années, il y a des nouveaux traitements qui sont arrivés. Donc par exemple, les statines qui sont des médicaments ou les stents qui sont des tubes qui vont aider le sang à circuler. Et en fait, ces traitements ont permis de diminuer la mortalité par maladie cardiovasculaire. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est qu'on constate une augmentation de certains facteurs de risque, notamment l'obésité et le diabète, et donc que ça entraîne une augmentation du nombre d'hospitalisations pour cause de maladie cardiovasculaire, bien que la mortalité, elle, recule. Donc vous comprenez que ça reste un problème de santé publique majeur. Effectivement. En introduction, je disais que la médecine a trouvé un lien entre les maladies cardiovasculaires et la météo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le lien qui existe entre ces deux événements? Oui, alors l'environnement, en fait, ça compte parmi les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. On peut évidemment penser aux polluants atmosphériques qui favorisent la formation de caillots sanguins. Mais la météo, c'est aussi un facteur de risque. On s'en est particulièrement rendu compte pendant la canicule d'août 2003 en Europe, qui a résulté en environ 3000 morts supplémentaires par maladie cardiovasculaire par rapport aux autres années pendant la même période. Oui, c'est un gros nombre. Ouais, on a un exemple similaire au Québec, en fait, où la canicule de juillet 2010, pareil, a résulté en une augmentation d'environ 33% de la mortalité par rapport à la même période les autres années. En fait, ça s'explique par le fait que les températures extrêmes, notamment, sont vraiment un stress très fort pour un système cardiovasculaire qui est déjà affaibli chez des personnes, par exemple, qui ont du diabète. Et en fait, ça inclut le froid aussi, parce qu'il faut savoir que au Québec, le froid constant de l'hiver cause un grand nombre de mortalités par maladie cardiovasculaire l'hiver. On peut aussi parler du stress qui va être dû au pelletage qui suit les très fortes tempêtes, donc ça évidemment c'est surtout pour le Québec, ou encore les variations de la pression atmosphérique qui vont influencer la pression sanguine. Donc aussi on peut noter que les effets des canicules notamment sont plus forts en ville à cause du phénomène d'îlot de chaleur, c'est-à-dire qu'en fait la température est toujours plus élevée dans les villes, notamment dans les quartiers industriels et les quartiers dans lesquels il y a peu de végétation. Comme dans mon quartier, le quartier Saint-Roch à Québec. C'est un excellent exemple. vous pouvez faire l'expérience en fait l'été, vous partez de Saint-Roch et vous allez sur l'île d'Orléans et là vous allez constater une très grosse différence de température, c'est surtout spectaculaire le soir. Oui, ça c'est vrai, effectivement, je le confirme. Et Pierre, est-ce que les scientifiques s'attendent à ce qu'il y ait une évolution de ces phénomènes avec l'arrivée des changements climatiques? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein d'études comme la nôtre, un peu partout dans le monde maintenant. Parce que dans le futur, on s'attend à ce qu'il y ait de plus en plus de fortes canicules l'été et qui aussi devraient être de plus en plus intenses. On en a eu un petit avant-goût cet été. Oui, oui, c'est un fait. Et on peut se dire aussi qu'on s'attend à avoir des hivers moins rudes, mais il y aura quand même toujours des vagues de froid. Et le truc, c'est que vu que les hivers seront globalement moins rudes, eh bien, ces vagues de froid paraîtront plus intenses comparément à la normale. Ce qui fait qu'en fait, il y a de plus en plus d'études qui tendent à dire que la mortalité devrait pas baisser l'hiver, malheureusement. D'accord. Donc, évidemment, c'est assez dur de prévoir avec exactitude les effets des changements climatiques. Et c'est pour ça qu'on essaye de bien comprendre comment tout ça, ça fonctionne, en fait, pour nous aider à nous adapter, justement, dans le futur. Et comment vous y prenez-vous pour étudier le phénomène? En fait, dans notre équipe, on étudie surtout le phénomène au niveau santé publique, c'est-à-dire qu'on va principalement chercher à connaître les effets de la météo à l'échelle d'une population et pas au niveau individuel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle finalement l'épidémiologie environnementale. Donc, de manière plus concrète, on dispose de données qui nous sont fournies par les hôpitaux. Donc souvent, c'est un nombre de décès ou d'hospitalisations pour cause de maladies cardiovasculaires. Et on dispose aussi de relevés météo quotidiens, donc température, précipitation, humidité, etc. Et à partir de ces données, on peut utiliser des modèles statistiques qui nous permettent d'estimer l'effet de telle ou telle variable sur la quantité de cas de maladies cardiovasculaires. Donc en fait, ces modèles en statistique, on les appelle des modèles de régression. Et à partir de ces modèles, on est capable d'anticiper le futur. C'est-à-dire que si on a estimé précisément l'effet de la température, par exemple, sur un nombre de cas de maladies cardiovasculaires, en connaissant l'évolution de ces températures, on va être capable de prédire l'évolution du nombre de cas de maladies cardiovasculaires qui vont être induits par l'évolution de la température. Donc, en fait, grâce à ça, on sera plus à même d'adapter le système de santé, la place dans les hôpitaux, par exemple, de mettre en place des campagnes de prévention qui vont être plus efficaces. Et c'est là-dedans que mon projet de recherche s'inscrit. Et justement, en quoi consiste votre projet de recherche exactement ? Donc, évidemment, moi, c'est un peu technique, mais mon projet, c'est de développer des méthodes statistiques qui vont nous permettre vraiment d'améliorer cette compréhension qu'on a du lien entre la météo et les maladies cardiovasculaires. Donc, pour faire bref, dans un premier temps, je travaille notamment sur des méthodes qui cherchent à comprendre l'effet de la météo à différentes échelles temporelles. C'est-à-dire que des variations de température n'ont pas forcément le même effet en hiver et en été. Aussi, un moins 10 degrés n'a pas le même effet au mois de février qu'au mois de novembre, par exemple. Tout à fait. Et aussi, il n'a pas le même effet s'il dure 2 semaines que s'il dure une seule nuit. Donc, en fait, je travaille au développement d'une méthode qui vise à essayer de démêler tout ça. J'ai aussi un deuxième point qui est de travailler plus précisément sur les données d'hospitalisation. En fait, quand on regarde ces données, ce qui est rigolo, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup moins d'hospitalisations pendant la fin de semaine que pendant les jours de semaine, donc le lundi au vendredi. Ça, c'est à cause de l'organisation des hôpitaux. Oui, tout à fait. Moins de médecins qui sont disponibles. Par exemple, si des gens viennent avec les symptômes et que c'est pas trop grave, on leur dit « revenez lundi », etc. Le problème, c'est que ça, nous, ça transparaît vraiment dans nos données. Et après, c'est difficile de voir vraiment les effets de la météorologie. Donc, je travaille aussi sur une méthode qui vise à gommer cet effet qu'on appelle communément l'effet fin de semaine. Oui. Et pour terminer, Pierre, dans l'avenir, est-ce que vous croyez qu'il sera possible de développer des méthodes statistiques qui vous permettront de connaître les effets de la pollution atmosphérique sur la mortalité des gens par maladie cardiovasculaire? Autrement dit, des méthodes qui vous permettraient d'isoler ce paramètre? Oui, en fait, ça existe déjà, c'est-à-dire que nous, on se concentre sur la météo, mais il y a d'autres équipes qui se concentrent plus sur les polluants atmosphériques. Okay. Donc souvent, on a des relevés de mesure des particules fines qui sont dans l'atmosphère, et en fait, par des méthodes similaires à celles qu'on utilise, on peut vraiment... On peut estimer cet effet. D'ailleurs, les deux, la météo et la pollution atmosphérique, vont vraiment de pair, parce que, par exemple, quand il fait plus chaud, il y a plus de pollution. Oui, c'est un fait. Donc, nous, on se concentre sur la météo, mais oui, c'est possible. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Masselot, pour vous être déplacé en studio. C'était très, très intéressant. Ça me fait plaisir. Alors, je rappelle que vous êtes étudiant au doctorat au Centre Eau, Terre, Environnement de l'INRS. On va passer au mot de la fin.